dire, notre ennemi, le père des mensonges, les maîtriers, mère sur la croix. Jésus-Christ l'a vaincu, mais sur la croix, oh, à Golgotha, Jésus-Christ, oui, l'a vaincu. Marchons toujours dans la vérité, prêchant toujours la vérité, notre Seigneur. Gloire à Jésus pour l'éternité, notre Seigneur est la vérité. gloire à Jésus pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ, Alléluia, je suis sauvé. Alléluia. Oui, plus que vainqueur.